to the future. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier podcast de l'année 2010. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais. Ouais. Bonsoir. Motivé? Non, toujours. Et moi, je suis content d'être là. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de podcast. Ça remonte à début décembre. Ouais. Donc, bonne année 2010. Bonne année. Mathias. Bonne année. Ça va, vous avez de la chance. Fallait le dire. Ça c'est fait. Dans les temps. Ça c'est fait. Alors sur la liste, on peut le décocher. Et suivant. Quelques jours avant février, hein? Si c'est pas beau ça. C'est magnifique. Deux jours. Ouais. Donc tout était calculé. Ce podcast va traiter de tout ce qui est tombé en news et en informations diverses et variées pendant le mois de janvier. C'est tombé. D'accord, ça commence. Alors voilà, j'allais y venir. On le présente plus. Hein. On le présente plus. Désolé, ça t'a coupé dans ton élan, mais il fallait que je la fasse. Excuse-moi, en plus c'était pas... Bon, désolé, reprends. C'est bon, un homme à terre. Non, mais y'a pas de soucis. C'est fait. Mathias, tout le monde te connaît maintenant, t'es au top 10. Ah, t'es rigolo quand même. Je suis sûr que parmi les auditeurs, si tu le laisses, il y en a quand même quelques-uns qui ont pensé quand tu l'as dit. Ah ben, je pense que si on fait un concours en février pour dire quel est votre invité préféré pendant les podcasts, tu figures sur le podium. Yeah. T'en invité que ça, mais je pense que t'es deuxième ou première place. Mais toi, tu dois me haïr parce que j'arrête pas de te couper. Non, là, ça va. Non, ça va. Je ne peux pas dire ce genre de choses. Je peux encaisser encore deux ou trois vannes, là. C'est bon, tu peux y aller. Ouais. Ah, ok, d'accord. Alors, donc, avec nous, et ce soir, nous avons Hitman, qui est le squad leader de Born to Recycle, BTR, une escouade Kantar qui s'est créée, donc, début janvier, si je dis pas de bêtises. Hitman, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, ça s'est créé déjà bien avant janvier. Je dirais même que ça fait 2 ans qu'on existe, vu qu'on a été sur plusieurs jeux. D'accord. D'accord, bah, de toute façon, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Nous avons aussi Didi, hein, on le présente plus, émissaire francophone. Bonsoir Didi. Si, présente-moi. D'accord, ah non, c'est déjà fait. Nous avons Didi, émissaire francophone. Bonsoir Didi. Salut. Suivant. Et puis avec nous aussi ce soir, donc dernier invité, c'est Zaviran, centurion chez Phoenixus. Bonsoir Zaviran. Bonsoir à tous. Donc Zaviran ce soir jouera un peu un rôle de critique pour tout ce qui va se dire, parce que bah, c'est vrai que nos podcasts sont la plupart du temps optimistes, très objectifs, et du coup il n'y a pas plus de piment que ça. On est un peu leurré par cette façade de Jumpgate. Zaviran, ce soir, va être la critique. Voilà, il y en a qui ont cassé du bug, et ben moi, je vais casser du Jumpgate. Voilà. C'est comme ça, quoi. Je t'entends pas, je passe sous un tunnel, là, Zaviran. Ouais, c'est une blague, hein. Je suis un grand fan du jeu, mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui sont les moins optimistes, on va dire. Comment ? Ça coupe, je... On t'aime, Mathias. Ah, c'est revenu. Alors, avant de commencer à rentrer dans les débats, les critiques et quoi que ce soit, une chose qu'il faut mettre au clair tout de suite, c'est que Mathias est là ce soir. Alors, il représente Netdevil, Codemaster, c'est avec lui qu'on discute. Ah bah, bravo. Mais les critiques, disons que les choses négatives qui peuvent être émises ne sont pas à ton encontre, Mathias, tu le sais. C'est pour la conversation. Je sais bien. Pour que ça soit plus intéressant et plus réaliste, moins marketing, on va dire. C'est exactement. Ça et ouais. Puis, non, mais je dis ça aussi pour les auditeurs, pour pas qu'ils pensent qu'on t'en envoie plein la gueule. C'est pas le cas. Ah bon? Pas toujours. Pourtant, dans les coulisses, la vache, quoi. Ah ouais, mais c'est autre chose. Quoi, mais genre, sors en pleurant. Faut pas le dire, ça. Ah, pardon, d'accord. Je peux pas le couper. Ok. D'accord, non, vous êtes super sympa, c'est vrai. Mais bon, c'est le premier podcast qu'on fait avec Zaviran et Hitman, quand même. Tout à fait. De toute façon, je vais parler de ce soir. Préparez-vous, asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil. Le podcast risque d'être assez long, autant pour les auditeurs que pour les invités. Il y a beaucoup de sujets à traiter, comme ça fait 2 mois quasiment qu'on n'a pas fait de podcast. Donc, on va essayer de ne pas s'attarder sur des choses légèrement futiles. Le bêtisier est prometteur, par contre. Le bêtis, ouais, pas tout de suite, il faudra faire quelques podcasts. Donc, pour commencer l'année 2010, nous avons intégré un nouveau module au podcast. Le nouveau module, c'est les news du Sky. Alors, qu'est-ce que c'est? ensuite un bref récapitulatif de ce qui s'est passé au cours du mois précédent, donc. Et ça servira aussi de sommaire, tout ce que nous allons discuter en fait au long de la soirée. Donc à chaque fois que vous voudrez écouter un podcast et savoir son contenu, vous devrez aller jusqu'à ce point. Ou lire les topics sur forum. Et pour ce nouveau module, nous avons éventuellement... non, pas éventuellement, nous avons fait un jingle. Je vous laisse écouter. Les news du mois de janvier. Skynet. Deux nouveaux onglets sont maintenant sur le menu de Skynet. L'onglet radio ouvre une fenêtre pop-up avec le générique des podcasts, si vous avez installé le plugin audio. Et ensuite, une playlist avec les podcasts et des musiques d'ambiance, telles que Eve Online et plein d'autres. L'onglet staff vous informe des personnes actives de l'équipe du site. Quand JGE sera dispo, un recrutement sera mis en place pour des newsers, des modérateurs et autres. L'onglet est volontairement détaché des autres. Concours. Le premier concours Skynet vient de se terminer avec pour objectif un nouveau design de l'annuaire. Balfar et Talracha sont les heureux gagnants du concours. Une nouvelle fonctionnalité est disponible sur cette page. Au lieu de cliquer sur les symboles de nation, vous pouvez cliquer sur « Liste de squad » et ainsi accéder directement à la liste complète. Actu. Deux nouvelles escouades se sont ouvertes. La borne Tourocicole, escouade Kantar dirigée par Hitman, et les membres de Zelkan, escouade Solrain dirigée par Balfar. Un nouvel article a été diffusé avec comme contenu « Comment casser les bugs sur Jumpgate Evolution ». Cet article fera l'objet du débat de ce podcast. Voilà pour les premières news du Skyn. Ça reste à peaufiner, mais bon, je pense que dans l'ensemble, l'idée reste sympathique pour présenter un peu les sujets. Tout à fait. Bon, bah écoute Hitman, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux parler de la bande principale? Allez, retourne-toi, voilà. Oh les gars, oh. Non, pas de début, là. On n'est pas en direct, mais quand même. Bon, alors la BTR, déjà c'est très simple. Alors pour vous, chers auditeurs, si vous aimez par exemple la bonne cuisine, chez les Kantars, particulièrement chez les BTR, nous avons une cuisinière assez particulière d'ailleurs, vraiment très jolie, que je me suis permis d'inviter ce soir au nez à la barbe de tout le monde ici. Alors il s'agit de Maïté. Alors Maïté, bonsoir. Eh, hey, bonne soirée, Hitman. Alors comment allez-vous? Eh écoutez, ça va très bien. Alors ce soir, je vais vous présenter une petite recette. C'est le rondelet Kantar. Eh oui. Alors écoutez, c'est vraiment très simple. Vous prenez des Solrain. Alors, le modèle crêpe, vous savez, les crêpes bleues, là, les vaisseaux. Vous les roulez avec des octaviers au milieu et vous savourez. Et voilà, la recette est terminée. Alors voilà pour le côté cuisine. Merci, Maïté. Alors donc, pour ajouter un petit peu de complément sur ce qu'est la BTR, c'est une alliance, je dirais, composée d'un noyau solide. Donc, nous connaissons tous IRL, en fait. Un noyau de fruits ou... Ouais, de cerises, ouais. D'accord. Très joli, les cerises. On aime bien. Petit noyau, hein. Oui, spécialité petit. Locale. Très petit. Mais c'est pas la taille qui compte. En même temps, c'est des Kantars, hein, donc... faut pas chercher trop, non plus. Oui, des Kantars. Excuse-nous, Hitman, vas-y, continue. Pas de soucis. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Tu sais que c'était composé d'un noyau solide, et tu allais parler du commencement de ce noyau. Oui, donc nous sommes en fait un regroupement d'amis IRL. À la base, je crois que ça vient de la fleur d'abord. Ensuite. À la base, effectivement, à la base. Bon, à l'arrivée, ça fait des herbes et tout, que les Kantars fument, mais tout ça, c'est un côté. On ne parle pas de lire. Voilà, surtout pas de lire. Ce qui peut expliquer aussi parfois. Ah, oh, je parle comme ça, vous voyez. En tout cas, je repère une chose, c'est que la dernière fois, on discutait de l'escouade de Tai Chi parce que bah, il était Kantar. On parlait de membres psychiquement stables. Je crois que chez la BTR, c'est stable. C'est en pleine recherche là, justement, de cette stabilité. Mais nous sommes tout à fait stables, voyez-vous. Il faudra serrer les fesses quand même. Chers auditeurs, si vous voulez venir en BTR, soyez instable. Sinon, vous êtes foutus. Alors, pour vraiment que les gens soient sûrs, Hitman, c'est le squad leader de la BTR. C'est ça que vous l'avez entendu là. Ouais. Voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est un genre. On peut pas comprendre, nous qui sommes de nations et de origines différentes. D'ailleurs, j'ai même appris que certains membres de la BTR étaient des Octaviens à la souche. Exact, exact. J'ai réussi à les convertir. Il les a pervertis, exactement. Oui. Avec une substance verte, d'ailleurs, composée d'herbe aussi. Du sang de Kantar, non? Désolé. Non, non. De Solrain, toujours. Il est vert? Ouais. Pour faire contraste avec le bleu de leur crêpe. Alors, on va parler de la deuxième escouade. Donc, les membres de Zelkan, escouade Solrain, je le redis, administré par Manfar. Donc il peut pas être présent ce soir avec nous malgré le fait qu'il ait gagné le concours graphisme avec Tal Racha. Ouais, c'est dommage. Alors je lui ai demandé s'il voulait faire passer s'il avait quelque chose de spécial à dire, s'il voulait faire passer un message en fait. Et mis à part donc il m'a dit le côté entraide des membres pour pouvoir avancer dans le jeu en fait. Bonne humeur, les choses qui sont, disons, un minimum importantes pour la construction d'une escouade, en fait. Le lien de son forum se trouve sur notre annuaire. Donc vous pouvez aller visiter son forum, vous y inscrire, vous faire recruter si vous êtes Solrain. Et voilà. Petit coup de poing Balfar. Pour les escouades, donc, rien de plus à dire dernièrement. Hein, il s'est pas passé grand chose en plus. Donc ça nous fait actuellement deux escouades Solrain et deux escouades Kantar. Une escouade Octavien. Normal. Les Octaviens sont disciplinés, ils sont tous dans le rang. Mais je vous pervertirai tous. C'est surtout parce que c'est toi qui es le guild leader de la Phoenixus. Hein. Y a personne qui veut te faire d'ombre. Si, je suis là moi. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire, je me méfie en ce moment. D'accord. Bah en fait il le sait pas mais c'est moi le boss. Je le savais. Y a pas de réel boss. Comme j'avais dit la dernière fois c'est que sur papier mais chez nous y a pas de maître suprême, c'est vraiment un groupe solidaire d'officiers pour. Ouais, à mon avis c'est plus comme les Romains où tu sais y a des intrigues derrière les coulisses, ils sont tous avec les tags, se dire bon si je prends la place de lui, y a pas machin qui va me faire ça et puis y a un truc qui va bidule. Je pense qu'après le podcast y en a un qui va finir dans les égouts, mais je dis ça. Ouais, je crois bien que Brubru ce soir dans les égouts hein. Pourquoi moi? C'était toi ou moi? Je t'aimais bien, Brunier. Ciao. Bon, on a fini alors. Le pauvre. Vivant. On est à Zaviran, ça fait 2 semaines que tous les soirs je lui dis vivement le podcast. Vivement. J'en peux plus, je tourne en rond. Je te dis là, pas. Tu regrettes. Non, je suis content d'être là. C'est... Au contraire, c'est une bonne ambiance. Et les gens apprécient cette ambiance. Donc... Bah, bien sûr. Ça fait pas de mal. Alors, à propos d'ambiance. La transition est complètement à chier, hein. Je vais aller le voir tout de suite. je voulais parler des concours Skynet. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Continuons. Enfin, des progrès, moi aussi, vous comprenez bien. Donc, je voulais toucher quelques mots. J'ai ajouté, en fait, sur le forum de Skynet, un nouveau topic qui se trouve, si je ne dis pas de bêtises, dans Skynet News et Podcast, et qui s'intitule « Fonctionnement ». J'ai listé un peu comment se déroule le fonctionnement des news sur la page d'accueil du Skyne et nos podcasts. J'y ai expliqué un peu les procédures et le choix des invités, en tout cas pour les podcasts. Donc, les deux premiers forums sur Skynet, c'est vraiment des tutoriels, des explications simples. Prenez le temps de les lire. Ça apporte beaucoup de choses. Et donc, 2-3 mots pour le podcast et les concours. Nous essaierons le plus possible de faire des concours une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on ne sait pas encore, ça dépendra de ce qu'on nous apportera, qui donneront la possibilité soit de participer à un podcast, soit peut-être, alors là je m'avance peut-être, de gagner une clé bêta. Mathias ? Quoi, je... Hein ? À moi la clé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de tunnel, hein. Il y a... Peut-être dans le futur, ouais. Je dis... Une clé bêta ou une clé en bois? C'est un... là là. Non, c'est une clé bêta, les prémices d'une clé. C'est comme ça qu'on vient de dire. Ah d'accord, ça existe. En fait, d'accord, elle était passée en phase bêta, elle était en phase alpha il y a pas de temps, mais. T'auras une clé en phase bêta. Ça arrive. En tout cas, j'aurais essayé de poser le truc. Donc. Bien essayé, bien joué. Ouais, voilà. Je l'ai fait à l'impro. D'accord. Sinon, pour les invités, donc je vais le lire là ce soir. Donc il y aura toujours, le plus possible aussi, Mathias, parce que c'est un peu la liaison avec Codemaster NetDevil, on va dire. En plus, comme je l'ai écrit, cofondateur de Skynet, parce que ça a jamais été dit, mais Mathias était dans les fondations, dans les combles aussi de Skynet. Dans les combles. Combles. Avec toi, c'est ça. J'étais dans la cave, bien humide, en train de soutenir les fondations. Donc tu étais dans les catacombes. Suivant. donc voilà. Et puis moi, pour animer donc ces podcasts. Ensuite, les invités prioritaires, ça sera les membres concernés par une news. Donc Hitman ce soir qui est là pour parler de son esprit. C'est moi, oui. Enfin, je crois que c'est moi. Ce genre de choses. Ou donc les membres qui ont gagné un concours Skynet. Et en dernier lieu, les membres qui se sont manifestés dans l'équipe de Skynet, donc via un MP à mon intention, ou les membres de Skynet, tout simple, qui se manifestent aussi via un MP à mon intention. Voilà, on essaye de... Il va y avoir une pluie de MP là. Peut-être après le podcast, pour l'instant pas vraiment. Et donc, l'exemple de Diedi faisant partie des émissaires, ça fera, lui, Antodev et Torgul, ne sont pas dans la liste, ils seront là, pareil, pour animer les conversations. Pas besoin de se manifester. En fait. J'anime à fond, là, en plus, hein. Je suis à fond, là. C'est comme j'ai le final, on a déjà dit, faut que tu chauffes. Il faut vraiment que tu enlèves cet oreiller aussi. C'est un grand diesel, Diedi. Laissez-moi. C'est pas l'heure encore. Là. Nous sommes inutiles. Donc voilà, ça c'était pour un petit rappel, on va dire. Donc lisez bien les deux premiers forums. Inscrivez-vous aussi au podcast. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur le forum. Nous savons les moyens de vous faire parler. Vous serez tous fusillés à l'aube. Ah. Ma langue a fourché. Suivant. Inscrivez-vous au forum. Parce que ça fait monter le nombre de membres. Ça vous permet de participer. D'envoyer des MP si vous voulez participer au podcast. De découvrir une petite partie supplémentaire du forum qui pour l'instant est bien vide. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question, là, donc j'y pense. Vas-y. Au sujet des mails qu'on t'envoie dans le forum, est-ce qu'il y a des adjectifs que tu préfères? Est-ce que Brugnard est beau, il est fort, il est intelligent? Non? Pas des adjectifs comme ça qui permettent d'avoir plus de chances de participer au podcast, tu vois? Tu peux essayer, oh mon général chéri, s'il te plaît, laisse-moi une place pour le podcast de la semaine prochaine. Ça marche très bien. Voilà. Voilà. Alors, de toute façon, on verra ceux qui ont écouté le podcast ou pas. Denver, le dernier dinosaure, et c'est bon. Non, disons qu'il faut mettre vos motivations pour participer au podcast dans vos MP, parce que c'est ça qui fera que je pencherai plus sur quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis encore? Non, c'est une musique de... Denver, le dernier dinosaure. Il dit que Brugnard sera bientôt mort. Ouais, voilà, une version, tu demandes aux gens qui veulent participer de faire une version changée avec ton nom à l'intérieur de Denver et Daniel Sosa. Ça peut être bon charge. Bon. On va l'ajouter à l'album. Octavien. Ouais. ça serait pas une vengeance par rapport à la chanson Les Cantards sont morts ce soir, ça? Non, moi je dis ça comme tout. Ça. Aucun, hein. Non, aucun. Alors, d'ailleurs, j'ai mis la chanson en téléchargement. Je dois dire que j'ai été étonné. Je crois qu'on a battu un record sur cette chanson. Vous allez être sur le cul. En termes de qualité, tu veux dire ou Non, un record de téléchargement. Ah, ouais. Il y a du disque d'or là, ça y est, disque d'or. Ouais, c'est vrai. Les Cantards sont morts ce soir. En téléchargement, il y a eu, attention, accrochez-vous, 4 personnes qui l'ont téléchargé. Ah, ouais, quand même. Alors là, c'est soit des sadomasochistes qui l'ont entendu pendant le podcast et qui ont voulu en écouter, soit des fans. Alors peut-être qu'on a des groupies qu'on ne connaît pas. Va savoir. Si tu veux, je peux t'imiter la groupie. Ah, Brugnard, tu es trop fort. Tu fais vachement bien la groupie. Pas mal. Alors, maintenant, fais en même temps avec Maïté. Ne le refaites pas chez vous. La Maïté groupie. Résultat d'heures d'entraînement intensif. Alors, t'as envie de faire la Maïté groupie ou pas? La Maïté blonde. Tiens, j'ai jamais essayé. Alors, attention, on va essayer. Oh, Brugnard, mais tu es trop fort. D'accord. Je sais pas. Là, c'est collector quand même. Hein. Ouais. Et ça sera diffusé. Hein, ça, si. Ah non. Si. Non, mais des perles comme ça. Je veux dire, autant je regrette de pas avoir eu la poule complète de Mathias. Ça, on va diffuser directement. Pardon, Mathias, tu veux dire quelque chose? Non. Non? C'est bon? Non, c'est bon. Non, mais si tu veux, faut que ça vienne naturellement. C'est plus un. Quelque chose qui boue et qui sort comme ça, quoi. C'est pas quelque chose que tu peux préparer. Bon, ben, on va pouvoir parler du fameux article. Mm-hmm. Alors, comme vous le savez, il y a eu un article qui est paru sur MMORPG, traduit sur Njol, qui discutait comment casser les bugs de Jumpgate. Donc ça expliquait un peu le rôle du gars qui est là pour jouer, en fait. Alors, non, comme il le dit, il joue pas, il teste. Oui, il joue pas. Teste tout le jeu, il passe beaucoup de temps dessus, il fait beaucoup de tests dans des positions diverses et variées. Hein. Ah, c'est malin. Terre, j'ai pas trouvé mieux pour définir la chose. Vas-y, enfonce-toi encore un peu plus. Je vais pas y arriver. Mais c'est horrible. Je sais plus où j'en étais. Hein. Bravo les gars. Donc pour trouver des bugs en fait que les joueurs ne refassent pas les mêmes choses derrière, en fait que le jeu sorte propre. Donc il a expliqué un peu son rôle. Cet article a été très très contesté. Il y a eu deux groupes, on va dire majoritaires, sur les différents forums, jeu online, le forum officiel, Skynet aussi. Alors d'un côté nous avions ceux qui disent youpi, on a une news, c'est cool quoi, arrêtez de vous plaindre, on a une news. Et de l'autre côté, on avait ceux qui... quoi, c'est ça cette news? Faut pas se foutre de la gueule du monde, c'est quoi le contenu? Enfin, on voit pas l'intérêt. Voilà, c'était un peu... Je caricature, mais c'était un peu l'état d'esprit majeur. Alors, l'article a été diffusé et beaucoup contesté. Comment Code M ressent la pression communautaire? Et quelle remontée est faite aux développeurs, Mathias? Cette question. Bah, c'est sûr que de toute façon, moi je sers justement d'interaction entre les joueurs et Codemasters, donc je fais remonter des réactions comme celle-ci, aussi bien positives que négatives. Les développeurs savent qu'il y a une attente de la communauté, surtout en matière d'information, et qu'elle a été assez pauvre en début d'année. Si peu. Et Le truc, c'est que le jeu est toujours en train d'être développé, donc on préfère, comme on a eu quand même des sorties de MMO chez Codemasters et chez Netdeville dans le passé, on préfère communiquer quand on est vraiment sûr des informations, plutôt que de dire des choses et d'ajouter « mais c'est pas final » ou « mais c'est encore en développement, on n'est pas sûr que ce soit comme ça à la fin », ce genre de choses. D'accord. Parce que si on dit trop de choses après, les gens vont dire « ah bah c'est sûr que ça va être comme ça », et puis au final, ça change, c'est équilibré différemment, il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées, d'autres qui disparaissent, enfin, ça peut encore beaucoup changer. Donc on préfère communiquer quand on est vraiment sûr que telle ou telle fonction, ou tel vaisseau par exemple, sera dans le jeu. Alors quand tu dis que, que Netdeville est conscient qu'on a une attente, comment ça se traduit de leur part? Parce que le sentiment, alors je vais dire le sentiment qui ressort, c'est... Les gens disent, sur tous les forums, ils se foutent de notre gueule. Voilà les mots qui sont utilisés, oh. Je ne fais que citer. Alors, pour appuyer ces dires, Cathy a promis à Noël des nouvelles sur le blog de développement. Pour la première quinzaine de janvier, nous sommes fin janvier et le blog n'a pas bougé d'un pouce. Bah, je peux pas parler à la place de Cathy. Hein. Il faudrait que tu lui demandes directement par email, ou je peux lui demander et vous transmettre sa réponse sur le forum. Moi, tout ce que je sais, c'est que, bien sûr, on n'a pas envie de cacher des informations ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on n'est pas encore prêt à diffuser trop de choses. On préfère attendre qu'on se rapproche de la date de sortie, et comme le jeu est encore en développement, c'est un peu difficile de communiquer beaucoup de choses. Mais on comprend complètement que la communauté soit pas contente parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Ça, c'est normal, c'est légitime, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, bon, bah, si on n'a pas d'informations complètement gravées dans la pierre, c'est difficile d'en parler, et on préfère attendre. Parce qu'on a... vous vous souvenez, en 2008, on avait fait l'erreur de... d'être peut-être trop ambitieux et de trop communiquer, et finalement ça s'est retourné contre nous, et donc maintenant on est beaucoup plus prudent. On est beaucoup plus prudent, on a plus de retenue et on préfère vraiment attendre. Mais on a des projets qui sont prévus, peut-être pour un peu trop des prudent. Choses, hein. Peut-être trop prudent, mais bon, le jeu est en développement, il est en développement, il faut qu'on se base sur ça en fait. D'accord. Plutôt que de se baser sur il y a un manque de communication, on se base sur comment est développé le jeu, est-ce qu'il y a telle fonctionnalité qui est prête à être communiquée, oui, non. C'est comme ça. Alors c'est vrai que c'est embêtant pour maintenant, mais sur le long terme, c'est mieux. Ça m'amène à deux questions. La première, est-ce que c'est pas dangereux ce qu'a fait Cathy de dire à Noël qu'on aurait des infos sur le bug de développement et de rien donner, à l'inverse de ne rien dire du tout. C'est pas dangereux comme... Parce que du coup, nous, on était à l'attente. Enfin, moi, personnellement, j'étais à l'affût. J'actualisais pendant 15 jours le bloc de développement. Toutes les minutes. Oui, je suis au chômage, j'ai que ça à faire, mais ça m'a tué. Ça t'a tué ? C'est sûr, j'ai touché F5 pendant 5 secondes pendant 15 jours. Bah, j'ai changé 3 fois de clavier. Ah oui. Si je peux me permettre... Non, t'as changé 3 fois de touche F5 ou touche F6. Si je peux me permettre, Mathias, hein, c'est pas du tout contre toi. Hein. Non, mais genre, je sais bien, mais je le souci, moi, je suis arrivé assez tard dans la communauté, et la première chose qu'on m'a dit, c'est ils annoncent, enfin, donc NetDevil, hein, annoncent des nouvelles à venir, et ils tiennent jamais promesse. Et donc, dernièrement, à Noël, quand Kaiti a annoncé des nouvelles pour le 15 janvier, j'étais parmi les plus enthousiastes, et Bruy pourrait le dire. J'attendais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que, bah, comme tout le monde, je suis impatient de toucher la bête. Ouais. Et donc, certains disaient, Kaiti, c'est du vent, elle va encore nous entuber comme elle a fait par le passé, etc. Bah, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu des informations. Peut-être que c'était pas l'information que les fans voulaient, mais il y a eu quelque chose, quand même. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose, et moi, je suis mitigé dans le sens que... Enfin, je vais y revenir tout à l'heure, mais... L'information qu'il y a eu était très intéressante, hein. C'est vraiment très intéressant de connaître le travail de ce monsieur, dont j'ai oublié le nom. Steven Justice. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on prend une claque parce qu'on se dit, bah, du coup, le jeu là, bah, tu l'as bien dit d'ailleurs, il est en développement. Et moi, je suis resté dans une optique, comme beaucoup de joueurs, de l'optique que le jeu aurait dû sortir donc, en juin 2009. Il a été repoussé à une date ultérieure. Et du coup, pendant 6 mois, il n'y a pas eu de nouvelles. Là, on te met la carotte, tu vois, en te disant, bah voilà, ça y est, vous allez voir des news. Tout le monde a quelque chose de super. Les news sur le jeu, en plus, hein, c'est du contenu. Peut-être que c'est vrai que justement, dû au manque d'informations, il y avait une tellement grande attente que ça n'a pas su satisfaire les attentes de certains. Je comprends complètement. Maintenant, comme Brubu a dit, on est super prudent parce que justement, on a eu des expériences les années dernières où le jeu a été repoussé plusieurs fois. Donc, plutôt de dire il y aura sûrement des informations dans un mois, on préfère dire il y aura des informations quand elles seront prêtes. Et enfin, je sais pas si vous comprenez pourquoi on fait ça, mais on a eu quand même. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout à fait. En se basant sur le passif, on préfère attendre vraiment d'être sûr et certain plutôt que de décevoir les joueurs. Et peut-être que Kaiti aurait dû dire bon, ça sera une information sur le jeu, mais n'oubliez pas qu'il est encore en développement, que ce sera pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose pour vous faire patienter. Peut-être qu'elle aurait dû dire ça, je sais pas, j'ai pas envie de prendre sa parole. Mais bon, il y aura des informations, c'est juste, c'est vrai que c'est la patience qui est de mise en ce moment. On comprend justement le fait du lentement, mais sûrement, mais effectivement, c'est vrai que c'était peut-être un peu maladroit de la part de Cathy de dire vous aurez des infos pour au final nous donner cette news, qui est très intéressante en elle-même, comme l'a dit Xavier, mais... Je sais que nous, côté BTR, par exemple, on a tous été très déçus de ne pas avoir du contenu et ce genre de choses. Mais je comprends et je le ferai remonter à Cathy pour qu'elle ait un droit de réponse ou pour qu'elle dise ce qu'elle en pense. Tu lui mettrais juste une petite fessée. Hein. Comme Cathy parle français, je me demandais si tu pouvais pas lui parler éventuellement des podcasts, si ça l'intéressait de les écouter ou même de... Venir participer même peut-être. Ou même éventuellement y participer. Je peux lui demander, bien sûr. Je ferai la groupie. Je sais pas quel est son niveau de français par contre. Hein. J'ai discuté un peu avec elle, ça reste acceptable, et puis si toi aussi t'es là, enfin... D'accord. Ouais, bien sûr, je l'inviterai, et on sera un petit podcast en intime. Il faudra qu'on lui apprenne « J'ai des news pour vous », et ça suffira très bien. C'est sûr. Non, mais j'aime bien ta formulation où tu disais « lentement, mais sûrement ». Je crois que c'est ça qu'il faut tirer du podcast. Ouais. La deuxième question, pour mettre ça au clair, en fait, je pense que tout le monde appréciera la réponse. On sait que les développeurs sont Friends and Family V2. Habituellement, dans un jeu, ça veut dire quand même qu'il est... que le contenu est fini, que le jeu est bouclé, mais qui corrige certains bugs, certains gameplay, qui peaufine certaines... certains équilibrages. Ouais. Enfin, du coup, la question, c'est... pourquoi on n'a pas de contenu? Pourquoi ça peut encore changer du tout au tout? Le jeu, il est fini ou il n'est pas fini? Est-ce qu'ils sont en phase... Il est pas fini, sinon il serait sorti. Et puis en plus, un MMO n'est jamais fini, on pourrait dire. Oui, ça, on est d'accord. Mais arrivé à ce stade, Friends and Family, deuxième version, il doit bien y avoir du contenu fixe. C'est ça la question, en fait. C'est juste ça. Si tu veux, il y a eu la première phase de Friends and Family, où c'était vraiment... on fait tester pour la première fois en interne, sur des personnes triées sur le volet. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il y a eu beaucoup de retours, énormément de retours, et c'est justement à cause de ces retours que les développeurs ont dit « Bon, les gars, il y a quand même des choses à changer. On va repenser un petit peu notre truc et on va continuer à développer, parce que là, en l'état, on n'est pas content. » Les retours étaient d'ailleurs très agréables à cette époque-là. On a eu beaucoup d'informations sur ce qui est du concret, quoi. Et entre-temps, donc, il y a eu des choses qui sont passées. Enfin, il y a eu le développement qui a continué sa route. Et là, on est toujours à fond. Enfin, les développeurs plutôt sont toujours sur leur jeu. Ils sont passés dans l'optique du vraiment, ça sera prêt quand le jeu sera prêt. C'est-à-dire qu'on annonce pas de date finale. On le sort quand on est satisfait avec la qualité du jeu. Et donc c'est pour ça que ça a un petit peu changé au niveau communication, ça a un petit peu changé au niveau du contenu, de ce qu'on apprend sur le jeu. D'accord. Mais d'ailleurs les fans l'ont remarqué, ça, il y a eu un changement quand même dans la communication, dans ce qui se passait dans le jeu, enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Surtout qu'on a eu une année, alors je crois que c'était, ça fait tellement longtemps que j'attends JE, je sais plus c'était en quelle année, beaucoup de vidéos au départ sur les différents salons, pardon. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y avait des versions jouables même, hein. Ben c'est voilà, et 2 ans plus tard, c'est toujours en développement, les news se font attendre, elles sont moins concrètes, et c'est pour ça, c'est cette rétrogradation. Ouais, c'est un peu montagne russe, tu veux dire. Voilà, qui nous fait nous dire, franchement, merde, quoi, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est le sentiment, en fait. Le développement d'un jeu vidéo est jamais simple, pareil pour les MMO, c'est difficile et il faut. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas tout le temps facile et c'est vrai que quand on avait beaucoup de contenu et des vidéos et tout ça, c'était la bonne époque. Ça veut pas dire que le jeu il est toujours en développement et il sortira. C'est juste différemment. Enfin, la communication se fait différemment maintenant parce que justement à cause du passif et la patience sera récompensée. D'accord. Ça fait un peu réponse bateau, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Tu vois, enfin, c'est. Ouais, ça peut tout à fait se comprendre. Ça se comprend, mais ça simplifie pas la vie pour ceux qui attendent le jeu, ça c'est sûr. Mais bon. C'est sûr. Xavieron avait une question pour toi. Alors, avant de commencer par la question, c'est sûr, ça se comprend, la position de Codemaster et la position de Daredevil se comprend tout à fait, hein, et la position de la communauté aussi. Tout le monde a envie de... Vous avez envie de faire un bon jeu, nous on a envie de jouer un bon jeu. Voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. La patience, c'est normal. C'est normal que la communauté est patiente et je pense qu'elle est suffisamment mature pour ça. Mais comme tu dis, il y a un passif. Et moi, la première chose qui me peine un peu, qui me chagrine, c'est justement ça. C'est qu'il y a un passif et pourtant, il y a eu d'autres expériences, d'autres jeux qui ont pris cher. Hein. Et pour le citer que dernièrement, le syndrome AOC, quoi. Ouais. Et c'est dommage déjà. Que les personnes en charge du marketing n'aient pas pu voir venir la chose avec les développeurs, parce que bon, si le jeu n'était pas prêt en 2008, il n'était pas plus prêt en 2009, il n'est pas plus prêt aujourd'hui, les personnes en charge du développement le savaient, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un rapport entre les différentes équipes pour justement ne pas faire l'erreur de mettre en marche la machine marketing avec des vidéos, avec tout le blabla, de faire monter la sauce, de faire monter le soufflet, et du coup la communauté maintenant, elle se réduit un peu à la peau de chagrin, quoi. Bien sûr, non mais c'est sûr. Hein. Il y a peut-être eu un emballement quelque part, un emballement médiatique. On s'est dit, voilà, oui. Peut-être qu'on s'est dit que le jeu était prêt alors qu'il l'était pas encore, justement à cause de cette phase amis et famille de test qui ont changé pas mal de choses. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que c'est facile dans ma position de jeter la pierre parce que bon, bah du coup, moi je suis juste un des joueurs qui attend. Mais c'est vrai. Non, mais enfin bon. On sait pas ce qui a pu arriver pour les raisons pour lesquelles vous avez décidé, enfin vous, j'englobe tout le monde, hein. Ouais. Les raisons pour lesquelles vous avez décidé de repousser, elles sont sûrement très bonnes ces raisons-là, hein, parce que j'imagine que vous faites pas ça par pur plaisir, parce que. Bah non, c'est pour la qualité du jeu, hein, bien sûr. Vous avez besoin aussi de bosser. Enfin, et... En même temps, on pourrait même retourner la question. Enfin, si le jeu était sorti alors que la qualité était pas là, ça aurait été encore plus catastrophique. Parce qu'il n'aurait pas duré longtemps. Le manque de qualité aurait déçu tous les joueurs. Enfin, tu vois, c'est... Non, je suis pas d'accord. En bêta, peut-être, ouais, mais pour bon... Pour parler concret, ça fait 3 jours là, qu'on vient d'acheter, on est plusieurs. Donc là, d'ailleurs, ce soir en podcast, il y a Didi et Zaviran, et moi, avons acheté Mortal Online, qui est en bêta. Le jeu, il est buggé, mais il est vachement bien. Mais je comprends malgré pas, les t'as bugs, acheté... T'as acheté un jeu qui est en bêta ou... Enfin, tu veux dire que t'as acheté la bêta. Tu l'as précommandé. Ah ouais. Voilà, la précommande, ouais. Enfin, voilà, quoi. Grosso modo. Donc, bon, le jeu n'en est pas moins en bêta fermée. Il est donc buggé, chose normale pour une bêta fermée. Et, mais il est cool, quoi. Il est très bien. On n'est pas là pour faire l'éloge, mais pour dire que je pense que les gens sont quand même assez matures pour accepter de dire que c'est une bêta, donc les bugs, c'est normal qu'ils soient présents. Même si ça fait rager des fois 5 minutes. Voilà, quoi, c'est. Par contre, on teste, et puis nous, on les voit, les bugs. Et hop, on peut faire des remontées. Jumpgate aura aussi une phase de bêta, hein, ça on le sait tous, il y a des clés, enfin, c'est prévu hein, dans le plan de production. Par contre, la question c'est quand, et ça, ce sont les développeurs qui le choisissent. Et bon, tu vois, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on s'adapte en fonction de s'ils disent que le jeu n'est pas prêt, pas pour, non plus pour une bêta, bah, on leur dira ok, très bien, vous nous dites quand c'est prêt, et pendant ce temps, nous on attend. Et c'est vrai que c'est pas idéal pour les joueurs, bien sûr, mais il vaut mieux que. Même en bêta, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait quand même un niveau de qualité suffisant. Parce que la première impression dans un jeu vidéo est super importante. Et il y a des gens qui vont jouer à la bêta en pensant que c'est très proche de l'aspect final du jeu. Et s'ils voient trop de bugs, ils vont se dire, enfin, ils vont associer bug avec jeu final. Et ça, c'est super dangereux. Ça le serait moins. Alors, on va peut-être dire que je suis mauvaise langue. Ça serait pas dangereux si les devs communiquaient concrètement. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de Mortal Online parce qu'il est vraiment très pratique. Les devs ont... juste pour préciser, enfin, je commentais pas sur Mortal Online avant, hein, je disais juste de manière générale. Mais je prends l'exemple parce que bon, c'est facile de le faire en fait. Les développeurs ont dit, voilà les gars, on vous donne une version bêta, si vous achetez en précommande, vous y avez accès. On veut mettre ça en place pour la release. Voilà comment que c'est actuellement. C'est buggé, ou ça marche pas, ou c'est en cours. Pour la semaine prochaine, on vous fait ça. Ils sont concrets, quoi. Ils parlent vraiment du contenu, du truc, même des bugs et tout. Les types, ils jouent une semaine, ils se rendent compte que les devs ont tenu leur parole sur cette semaine en cours, sur ce qu'ils avaient promis qu'ils feraient. Et c'est comme ça en permanence. Et du coup, ils sont pas étonnés que ça... Enfin voilà, ça marche très bien parce que il y a pas de... Ils sont totalement transparents. Et là, nous, effectivement, on a peur d'être vachement déçus parce qu'on ne connaît rien de Jumpgate. C'est plus dans ce sens-là. Et d'accord. Ça m'amène donc à ma question. Là, j'ai réussi ma transition. ils ont annoncé que le jeu sortirait en 2010. Ça, c'est Scott Brown qui l'a certifié. Ça, c'était pas du peut-être, c'était du certifié 2010. Ouais. Mais il y avait déjà eu d'autres dates qui avaient été annoncées avant, hein, oublie pas. Ouais, mais je prends ses paroles. Je le prends. Non, c'est sûr. non, mais en plus, c'est un gros bonnet, enfin, bien sûr. Mais je dis juste, enfin. Oublions pas que on est justement prudent parce qu'il y a eu plein d'annonces et que c'était pas tout le temps complètement vérifiable. Et ce qu'on veut éviter, c'est justement que les gens nous fassent plus confiance. Enfin, on pense que Jumpgate va être un super jeu. On a envie qu'il y ait une communauté derrière, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on veut pas faire d'annonces trop précipitées. D'accord. Pour qu'après les gens nous disent, mais pourtant vous aviez dit ça. Enfin, vous aviez dit qu'il y aurait, genre, je sais pas, 50 vaisseaux et il y en a 49. Comment ça se fait? Je suis pas content, je ne vais pas payer d'abonnement. Enfin, je caricature bien sûr, mais c'est un petit peu comme ça qu'on se retrouve pour l'instant. Quoi, il y a que 49 vaisseaux? Ça y est. Et tu vois, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais si, il y a 49 vaisseaux, ils l'ont dit dans le podcast de On va l'entendre. Et donc justement, est-ce que dans les prochains jours, dans courant février, il est prévu d'avoir du contenu style le listing des vaisseaux, leurs caractéristiques, des templates de compétences, des choses de ce genre du concret sur le contenu du jeu? Je peux pas te le dire pour l'instant, je sais pas. C'est toujours en discussion, je pourrais pas te dire oui ça sort le 23 janvier, 23 février à 18h. C'est pas la demande. Il y aura des informations, ça c'est sûr, mais je peux pas te dire exactement quand elles sortiront. D'accord. Je voudrais juste dire que, pour rebondir sur ce que disait Bruy tout à l'heure, alors deux choses. La première, c'est que donc Scott Brown, qui aurait annoncé 2010, hélas, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, comme tu disais, Mathias, les dates sont déjà commencées, ça peut être reporté. C'est le boss de Netdeville, donc à mon avis, c'est plus crédible que... C'est sûr. Bon, espérons, cela dit. Et sinon, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait par rapport à Mortal Online. Et c'est la continuité de ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc là, justement, il prenait l'exemple de développeurs qui sont sur chat IRC tous les jours, qui ont un gros dialogue avec la communauté, qui écoutent les besoins, qui expliquent comment ils vont agir. Et je vais te dire, ils ont dit, voilà... On a prévu ça pour le jeu, on n'a pas les moyens de tout mettre tout de suite, on n'a pas le temps pour tout faire, mais on vous garantit certaines features majeures. Ouais. Et à un mois de décalage, donc ils ont reporté leur sortie officielle d'un mois, ils ont réussi à mettre en place donc, ce qu'ils avaient promis. Et bon, il y a des bugs de pathfinding et des bugs de ce genre-là, quoi. Mais le jeu est quand même correct, très correct même. Surtout pour un petit budget. Et j'en viens donc à la question, et ça rebondit surtout sur Katie, j'ai rien contre elle, je précise, hein, surtout qu'elle a une voix très charmante. C'est pour ça que tu voulais l'inviter au podcast. Et donc, à force de justement nous annoncer des choses et de ne pas les tenir, ou du moins de les tenir, mais un petit peu en noyant le poisson avec une news qui n'en est pas vraiment une, ça risque quand pas même une news sur Jumpgate en plus. Enfin, je sais que c'était pas du contenu concret, mais c'était une news sur Jumpgate. On peut pas le dire. Disons que c'était un peu la claque dans la tronche parce qu'on t'attendait à une news, une news marketing pré-bêta, tu vois, ou pré-lancement. Et là, c'est pas du tout le cas. Petite coupure, c'était une news sur le staff de Netdeville. Franchement, moi je l'ai pas vu comme une news de Jumpgate parce que le seul moment où il parle de Jumpgate, c'est à la fin quand il dit que on va l'attendre, ça va pas tarder. Ouais, puis il y a quelques bugs, il parle de bugs quand même qu'il a corrigé. Bah ouais, voilà, il montre quand même qu'il fait son boulot à fond et qu'il n'y aura pas beaucoup de bugs dans Jumpgate. Enfin, moi, c'était l'impression quand je lisais avec la distance. C'était vraiment, oui, ok, c'est sur le gars qui fait son boulot, mais ça montre aussi qu'il le fait bien et qu'il trouve des bugs de manière un petit peu originale. Ouais. Et donc, ma question, c'était, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force de... Là encore, je mets vous, c'est pas toi ou Codemaster. Ouais, je sais bien. Vous n'avez pas peur qu'à force de ne pas tenir entre guillemets vos, je vais pas dire vos promesses parce que bon c'est pas des promesses, mais à force de pas tenir vos paroles, vos engagements entre guillemets, vos échéances, ouais. J'ai pas peur qu'à force on se dise bah justement vous foutez de notre gueule quoi, parce que je prends un exemple concret, le jeu est sorti, on prend donc un exemple concret, on est fin 2010, le jeu est sorti, il a fini sa bêta, il est dans une release on va dire correcte, avec des bugs bah, comme tout MMO en a, il est en évolution, parce que comme tu dis, un MMO c'est en évolution constante et il n'est jamais fini. On nous dit, voilà, le contenu, j'extrapole, hein, le contenu est ce qu'il est, il est de bonne facture, il permet de monter au level 50 tranquillement, mais au level 50, il n'y a pas grand chose à faire, on va dire. Alors là, les devs nous disent, wait and see les gars, coming soon, on va vous sortir un super contenu de la mort qui tue d'ici 2-3 mois, le temps que vous soyez donc level 50. Bah, tout le monde va y croire, et c'est logique, cette bonne guerre de faire ça, parce que l'intérêt c'est de faire patienter tout le monde pour engranger des abonnements, et puis bien sûr aux développeurs de travailler leur bébé et d'arriver à mettre du contenu. Mais vous n'avez pas peur que justement, à force qu'on se sente frustré, à force qu'on se sente pris pour des pigeons, même si on paye pas, on fait que vous écouter, on boit vos paroles, mais au bout d'un moment, on se rebelle quoi. Et on commence à en avoir ras-le-bol et... Bah oui, c'est compréhensible. Justement de plus vous faire confiance. Mais en même temps, c'est justement pour ça qu'on dit qu'on est très prudent et qu'on veut pas communiquer sans être sûr à 100% que ça va être là, à temps, au moment où on l'a dit. C'est pour ça que je suis super prudent, par exemple, quand Brunard me dit « Est-ce qu'il y aura du concret dans les mois qui viennent ?» Je dis « Il y aura du concret qui va venir, mais je peux pas te dire quand, je peux pas te dire sous quelle forme, mais il y aura du concret. Tu vois, j'ai pas envie de m'engager trop parce que justement il y a eu un passif là-dessus et que je comprendrais tout à fait si les joueurs me disent mais Mathias, t'avais dit que il y aurait ça en février et pourtant j'ai rien vu passer, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, enfin. Je pense que tu seras, si jamais ça arrivait, tu seras plus pardonné parce que t'es quand même le seul avec qui on communique. Quand je dis nous, c'est pas forcément les podcasteurs, mais toute la communauté francophone, t'es la seule personne qu'on voit et avec qui on peut parler. Enfin, en tout cas, il y a une chose. On est content de t'avoir, quoi. La communication est beaucoup plus simple une fois que le jeu est sorti, parce que on sait, tu vois, enfin, on peut jouer, on peut prouver ce qu'on dit, et ainsi de suite. Mais elle est beaucoup plus difficile quand le jeu est encore en développement. Parce que c'est pas une science exacte et que le développement du jeu vidéo, on sait tous en tant que gamer, c'est quelque chose qui est assez complexe. Des fois, il y a des jeux qui sont repris de zéro, comme on l'a vu avec d'autres titres. Enfin, c'est pas quelque chose de droit, tu vois. C'est vraiment avec des courbes. Des fois, ça revient un petit peu en arrière, ça va plus vite d'un seul coup, il y a une pente, et puis après, ça remonte, et ainsi de suite. C'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que, à cause du passif qu'on a eu avec des annonces qui ont été faites en 2009 et des choses qui ont été faites encore plus tôt même, on est prudent parce que on veut pas se lancer dans une nouvelle course aux armes avec des informations de plus en plus grosses, tu vois. Donc les informations viendront, mais en temps et en heure, si tu veux, tu vois, quand ça sera prêt à être vraiment diffusé et on est confiant là-dessus. Si on prend le problème avec beaucoup de recul, on s'aperçoit effectivement, comme tu dis, qu'il y a une grosse com. Au tout départ, il y a eu une énorme com hein, au début, voilà. quand on pensait le lancer. Ouais. Après, il y a eu une grosse attente du coup de la part de la communauté, ce qui est bien normal, sûr. C'est l'évolution. C'est normal, bien sûr. Et derrière, bah, finalement, grosse déception parce qu'ils sont pas prêts. Alors, bah, c'est normal, c'est comme tu sais, quand il y a du marketing et de la communauté et plein oui, de oui. news qui sortent. Je crée pas, je fais le schéma. Non, mais je veux juste t'expliquer qu'il y a la communauté qui va répondre à ces flots d'informations et après elle va se lasser un petit peu parce qu'il y a moins d'informations et que le jeu n'est pas sorti au moment où il devait sortir, et ainsi de suite. Mais après, ça va remonter quand il y a des informations qui vont revenir. Donc voilà. Là, c'est la période creuse. Mais après, c'est cette période-là qui est mal foutue. Et c'est pas. En fait. Je pense pas que ça soit la bonne voie à suivre, d'être prudent, parce qu'à cause du passif, comme tu dis, le fait du passif où il y a eu beaucoup de com, si maintenant vous êtes trop prudent et qu'il n'y a plus de com, ça fout, c'est pas la bonne voie, je pense. Il faut trouver un compromis entre les deux, entre trop de communication, pas assez de communication, et c'est maintenant qu'il faut le mettre en place, parce que il y a beaucoup de MMO qui arrivent, et. Bien sûr. Non, mais c'est évident. Pour mon exemple, j'ai acheté Mortal Online, c'est mon budget est limite. Si Jumpgate tombait demain, ça me ferait mal. Bah oui, non, bien sûr. Bah, déjà, je te rassure, je peux te donner une exclusivité. Jumpgate ne sortira pas demain. Ah, ben voilà. Et ça, c'est du concret. Ça, ça c'est du concret, voilà. Alors là, je suis vraiment heureux. Voilà. Merci, Mathias. Reviens, ne bute pas. Quelqu'un a une corde? Non, mais bon, c'est vraiment... tu vois, c'est... Enfin, on le prend sur l'humour, mais bien sûr qu'on sait qu'il y a la concurrence et que les joueurs, ils vont pas se passer des autres MMO parce qu'ils attendent Jumpgate. Et il faut pas se leurrer, bien entendu. Mais est-ce que tu préférais qu'il y ait une période creuse maintenant et qu'après, au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de sortie, il y a de plus en plus de news qui sortent? Préférerais qu'on ait des sorties de news et après on revienne dessus et on dise ah finalement la news de décembre 2009, ça va pas être dans le jeu. On a complètement zappé parce que ça marchait pas ou parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs n'aimaient pas, donc on va refaire tout le truc. Enfin, tu vois. Oui. C'est sûr. Il y a différentes stratégies de communication qu'on peut aborder. On est en train d'en faire une différente de celle qu'il y avait l'année dernière et l'année encore avant. La communauté, bien sûr, trouve ça un peu lassant et c'est compréhensible, mais on espère quand même leur donner du très savoureux quand le jeu va sortir ou avant. Il y a un os à ronger, quoi. Tu dis, est-ce que tu préférerais avoir beaucoup de communication plus on s'approche de la sortie? Est-ce que tu préférerais avoir beaucoup de communication mais pas fiable, ou peu de communication mais fiable? Alors, je vais te dire, le truc, c'est que je suis prêt à ne pas avoir de com du tout. Ouais. Si on me dit, le jeu sort le 21 novembre 2010, je prends une date. D'accord, oui, mais voilà. À ce moment-là, c'est vraiment tiré d'un chapeau. Hein. Enfin, tu vois, c'est chaud hein, de tirer une date aussi précise que celle-là. Ils ont de l'expérience maintenant, ils ont fait des choses, ils se sont plantés et tout. S'ils apprennent de leurs erreurs, ils savent estimer quand même. Ou ils nous disent, les gars, vous attendez pas à avoir le jeu dans les 6 premiers mois de l'année, vous l'aurez pas dans les 6 premiers mois de l'année. Ça, c'est d'accord. Après, ça veut dire que dans les 6 premiers mois. Il faudrait limite que quelqu'un te dise, voilà, les gars, on est à ce stade du développement, vous attendez pas à une masse de communication de tel mois, mais attendez-vous à une remontée des infos à tel mois, par exemple. Tu préférerais ça? En fait, tu préférerais de la franchise, quitte à être déçu. Quitte à rien avoir. D'accord, plutôt que de ne rien avoir. D'accord, d'accord. Non, mais qu'ils le disent clairement, en fait. Et je pense que je dois pas être le seul, hein. Je sais pas pour ouais, les qui sont là. C'est... Non, mais c'est bien d'avoir. C'est bien d'avoir dans la vie, de toute façon. Je fais remonter un peu, les choses. Un peu de franchise, je pense que ça nous ferait pas de mal. D'accord. C'est plus ça. D'accord, bah je ferai remonter, y a pas de souci. Bon, bah voilà, y a plus rien à dire. Arrête, mais non. On a réussi, non. On a réussi, les gars. Ça a été dur. Suivant. Il y a plusieurs. Non, mais de toute façon, tout ce qu'on dit, je le fais de toute façon remonter dans les, enfin, remonter dans la hiérarchie et tout ça. Hein. Enfin, hey, on... Merci. Il y a quand même ils savent ce qui se passe. Hein. Ils sont pas devant un mur. Hein. Tu sais, quand tu lui fais des câlins au coin du feu, ils le savent aussi. Hein. Moi, il y a une chose qui me gêne aussi un petit peu. Ouais. C'est là encore, hein, Mathias, toi on t'aime, Codemaster ça va encore aussi. Hein. vous faites des bons jeux. Et moi, je suis un petit peu en colère, mais une gentille colère. Hein. Mais c'est avec NetDevil, quoi. Moi, je sors beaucoup sur votre forum officiel et je vais pas mal aussi sur la partie anglaise de ce forum. Ouais. Et la partie américaine également de temps en temps. Et souvent, et je le remarque bien, c'est souvent contre. C'est souvent contre NetDevil plutôt que contre Codemaster. Ceux qui s'acharnent un peu contre vous, c'est des gens qui généralement n'ont pas compris que vous n'étiez pas décideur dans l'affaire. Hein. Vous êtes un peu comme nous, hein, dans l'attente de ce que vous pouvez dire. Quoi. Ouais. Et ce qui me surprend un petit peu dans tout ça, c'est que vous avez un peu une politique du blockbuster. Quoi. Avec un jeu, on dirait que ça va être un grand jeu qui va arriver. Bon, je l'espère que ça va être un grand jeu. Mais pourtant, la cible de joueurs potentiels est quand même assez limitée. Donc, il faut déjà être fan de Space Opera. Donc, ça, il n'y a pas non plus grand monde. Et en plus, c'est du shoot spatial. Ça va être du royaume contre royaume. Alors qu'actuellement, le PVP qui attire le plus, c'est justement le guild contre guild. Donc, vous êtes un petit peu à contre-courant de... Bah, d'abord, il y a juste un truc qui m'a fait tiquer quand t'as dit genre il faut que être fan de Space Opera et tout ça. Enfin, il y a d'autres jeux qui sont dans le Space Opera qui ont très bien réussi, mais c'est toute une affaire d'ambition. Enfin, tu vois, on veut pas faire un, c'est pas un énorme blockbuster à la World of Warcraft qui est toujours cité comme étant l'exception parmi tous les autres. Mais tu vois, genre il y a EVE Online qui se porte très bien, qui est un jeu excellent. Et enfin, c'est pas. T'as quand même EVE Online 45 000 joueurs et 11 millions, ça fait quand même une différence. Enfin, au début, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, ça va être un jeu de niche, machin, et puis en fait, il y a énormément de gens à qui ça a plu. Donc, moi, je pense que c'est une question d'attente, c'est une question de communauté. Même un jeu de niche peut avoir un succès énorme parce que justement, il n'y a aucun autre jeu qui est sorti de ce type-là, et c'est le seul sur le marché, et il arrive à très bien convaincre. La différence avec Jumpgate Evolution, c'est que ce sera un jeu plus orienté arcade. Avec des stratégies bien sûr, mais ça sera aussi du shoot dans l'espace. Et là, je pense qu'il y a quand même une grosse part de marché. Hein, D'ailleurs, je fais un petit vœu là. Dans la simulation shoot comme ça. Je fais un petit vœu quand tu dis que c'est un jeu qui sera plus orienté arcade, ce qui est logique d'ailleurs, puisque nous allons. Arcade, ça reste quand même un jeu dans l'espace, tu vois. Oui, oui, on est d'accord. Enfin, je comprends bien ce que tu veux dire par arcade. Voilà, mais, ouais. Bah, arcade par rapport à Eve, c'est sûr qu'Eve. Voilà, par exemple, par rapport à ça. En même temps, on conduit pas vraiment le vaisseau dans Eve. Mais c'est là pour où ça que je dis plus que c'est de la simulation. C'est... Là où ça me paraît quand c'est même un petit peu inquiétant, c'est ouais. Que j'ai l'impression, hein, je suis pas dans le secret des dieux du coup, donc je fais peut-être erreur, hein, et j'espère d'ailleurs, c'est que EVE Online, ça reste comme tu disais à la base un jeu de niche spécialisé simulation. Jumpgate à la base c'était un jeu donc semi-simulation, semi-arcade on va dire, et là j'ai l'impression que ces derniers mois, hein, depuis le report, on part vers un jeu grand public, et qui dit jeu grand public, dit pas forcément grand jeu. Ça veut dire un jeu assez simple souvent. Bah, justement comme World of Warcraft, qui est devenu un jeu où maintenant, j'imagine, tu arrives, tu as tout ce que tu veux, quoi. Tu t'as pas besoin de t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de t'acharner sur le jeu pour progresser. Tu as quasiment tout de suite. Et c'est un peu la politique des joueurs, des jeunes joueurs qui arrivent sur le marché. Et il m'a semblé, hein, peut-être que je me trompe là encore, mais il m'a semblé que la communauté de Jumpgate était un petit peu plus mature, du genre, on va dire, allez, 23-35 ans. Et un jeu grand public, justement, c'est pas forcément... Enfin, j'ai l'impression que le jump get qui est en train de se faire ne cible pas sa base. Sa base étant les joueurs qui sont sur le forum, quoi, qui postent ou qui postent pas. Mais ce sont nous, les premiers fans, quoi. Non, mais c'est pas faux, mais il y a une raison particulière pour ça. C'est parce qu'à l'origine, Jumpgate, donc, enfin, ou Netdevil, ils ont été les développeurs de Jumpgate classique, qui était sorti il y a pas mal d'années. Et c'est vrai que c'était une grosse simulation hardcore, qui était, tu touchais une station, tu explosais, enfin, tu vois, ça pardonnait très peu. Et depuis qu'ils ont commencé le développement de Jumpgate Evolution, les développeurs ont toujours répété, ça ne sera pas un Jumpgate classique 2.0. On veut le rendre plus accessible. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça sera un jeu grand public à fond où tout est facile à obtenir sur du premier coup? Non, certainement pas. C'est un petit peu, je sais pas, comme d'autres jeux qui sont sur le marché ou comme des jeux de shoot. C'est pas parce qu'ils sont faciles à jouer que en multijoueur ça va être facile à maîtriser. C'est un bon compromis, quoi. Tu vois, comme c'est un jeu de shoot et que c'est pas basé uniquement sur le fait d'appuyer sur des touches, enfin tu vois, répétition dans les MMO classiques, en général t'appuies sur tes combinaisons de touches, tu fais tes combinaisons de combat, là ça sera vraiment, tu dois mettre ton vaisseau. voilà. Si tu commences avec des trucs rigolos sur le canal, c'est quoi aussi. Je suis désolé. Non mais en gros, c'est vraiment, tu cibles ton ennemi, et si ton ennemi bouge, bah c'est pas parce que tu l'as locké que tu vas l'avoir automatiquement. Il faut que tu le suives avec ton radar, il faut que tu le suives avec ton viseur. Enfin, c'est vraiment un jeu de shoot dans l'espace, et c'est pour ça que ça sera pas, à mon avis, aussi grand public que les personnes le croient. J'espère. D'autant plus que c'est la dernière fois que j'en parle, hein, parce qu'on n'est pas du tout réunis pour ça. Mais par exemple, tu prends Mortal Online qui est annoncé comme un jeu très hardcore et très PVP. Je pense pas que nous sommes des grands hardcore, en ce qui concerne en tout cas Brugnard et moi, puisque Diedi, je le connais beaucoup moins. Mais on passe pas des heures sur le jeu, et on arrive à progresser relativement bien. Et ouais, donc finalement c'est pas parce qu'un jeu est hardcore qu'il l'est forcément, c'est ça que tu par contre il est très difficile. Après ce qui se dit un peu pour Mortal, c'est que pour l'instant justement il est en bêta et que c'est peut-être pas la réalité. Bien sûr, un jeu en bêta, et puis il y a une dernière chose aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication sur le mode PVE de Jumpgate, mais très peu de communication sur le mode PVP. Donc peut-être peut-être qu'on attend encore beaucoup de news sur le mode PVP. C'est peut-être ça aussi. Elles sont où? Ah bah elles vont venir, mais... Ah merde. Voilà. Donc peut-être que au fur et à mesure... Je me suis endormi, j'ai entendu news PVP JGE, j'ai fait « Oh là, j'ai fait un passage. » T'as pas entendu Soon derrière? Soon... Soon TM. Ah ouais, le Soon TM, on le connaît. justement, ça m'amène à un truc. On a perdu Herman Petersheck. Et on a gagné Lance Robertson. Non, c'est effectivement. Par contre, on a perdu aussi les fameuses FAQ qui marchaient assez bien. Alors, je suis conscient que ça te bouffait énormément de temps. Et je pense que... Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais... Parce que je voulais faire quelque chose de bien, en fait. C'était question de traduction, de mise en forme, il y avait beaucoup de choses. Mais c'est aussi parce qu'on est passé dans cette phase de communication plus silencieuse avant de reprendre les choses en main quand on sera prêt, quoi. Donc c'est aussi pour ça que la FAQ est en mode pause pour le moment. Alors. Et puis il n'y avait pas que une FAQ niveau communauté française anglaise. Il y avait l'US, il y avait. Et ils avaient commencé, je crois que Cathy avait déjà commencé à la réduire aussi au niveau du nombre de. C'est vrai, ouais. Ouais, parce qu'au début, trois questions pour les Anglais, pour les Américains, pour les Français, les Allemands, ça me faisait beaucoup de questions à traduire. Ça me faisait en général deux pages entières de posts. C'était pas gérable. Il y avait quand même une chose, c'est que Herman, il disait beaucoup de choses pour rien, au final. Donc, t'avais un pas de calice. Voilà, et à traduire, t'avais juste appris que finalement, il aimait faire des métaphores. Bon, quand tu poses une question, genre... je me souviens pas de toutes les questions, mais il y avait des questions qui étaient tellement bien tournées que la réponse nécessitait pas plus de trois mots. Si elle était franche, quoi, la réponse. Mais tu demandes, tu tournes ta question pour avoir une réponse du style. Oui, il y aura ça. Non, il y aura pas ça. Oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Plutôt que que Herman qui développe 50 lignes pour dire, finalement, on n'en sait rien. Et jamais. Ça prendrait beaucoup moins de temps à traduire et ça serait tout aussi efficace. Et les joueurs en profiteraient plus. Exactement. Alors, pour la partie francophone, ce que je voulais te proposer, c'est que, via Skynet, on puisse traduire les questions en anglais. Toi, tu les transmets et tu nous les retournes telles quelles, pour celles qu'on aura le droit de diffuser. Et nous, derrière, on se recharge de les traduire en français. Je pense qu'on est assez nombreux pour, et assez motivés pour le faire. Si c'est pas des pâtés comme faisait Herman, on sera motivé pour le faire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Non, mais voilà, c'est ça. C'est question simple, réponse concrète. Mais en fait, le problème vient pas de la quantité d'informations à traduire, le problème vient de la qualité de l'information. C'est qu'on n'est pas sûr à chaque fois. Justement, Herman faisait beaucoup de... Comment dire ? Il y avait beaucoup de textes, mais finalement, on apprenait moins que la quantité de textes qu'il y avait. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé de le mettre en pause, parce que justement, on trouvait qu'il y avait peut-être trop de superflu, et qu'on préférait attendre pour des informations plus précises. Qu'est-ce qu'il y a ? Je disais, tu parles trop, tais-toi. Non mais c'est ça. En gros. Hein. Est-ce que c'est pas intéressant de retenter l'expérience sous ces conditions ? On met la communauté au courant. On dit voilà les gars, on prend vos questions que si elles sont simples et concrètes. Ah bah, bien sûr. Et on vous file les réponses que si elles sont simples. Non mais de toute façon, Brugnard, ça c'est un truc qu'on veut faire. Ça c'est clair. Hein. Ça va reprendre. La question c'est quand ? Et la réponse c'est quand on sera prêt. Tu vois, c'est pour ça que c'est toujours un cercle qui tourne. Enfin, c'est toujours la même réponse. C'est on veut faire la communication, on veut présenter les informations sous le meilleur angle possible, on veut avoir des interactions avec les joueurs, mais on n'est pas encore prêt à communiquer des choses qui seront gravées dans la pierre. Donc si la personne elle demande combien de vaisseaux il y aura, bah malheureusement on est obligé de dire pour l'instant ce n'est pas défini. Mais 49 on a dit tout à l'heure, non ? Ah ! Bien suivi. J'aurais dû dire 200, comme ça on arrêtait vraiment. Quoi, 3000 ? 3000 vaisseaux. Non, mais... 3000 vaisseaux, c'est joli ça. Non mais de toute façon, ça c'est clair, hein, Brugnard, on veut refaire des FAQ. Là, il n'y a aucune question. Ouais. En tout cas, on propose d'utiliser la plateforme Skynet pour la communauté francophone, c'est son but. Donc si jamais ça repart et que tu veux exploiter cette Ah, bah, avec plaisir, bien sûr. Ah, bah, avec plaisir. En plus, on peut faire un premier filtre, nous, sur les questions posées, et on te les retransmet derrière. Oui, je suis pas sûr que le filtre Brugnard soit une bonne idée. Tu auras que des questions personnelles avec Cathy. Ouais. Ouais. Bah, s'il vous plaît, j'en ai déjà 3 sur mon document, donc effectivement, le côté neutre. Ouais. Non. Alors, je mets de côté le côté neutre. Première question de la communauté française. Qu'est-ce que Cathy elle prend comme petit déjeuner le matin ? Est-ce qu'elle est les roses blanches ? Troisième question. Est-ce qu'elle est mariée ? Oui. Ah, elle est mariée ? Suivant. Il me semble qu'elle est mariée. Ah, quoi, je passe dans un tunnel, ça. En tout cas, voilà, c'était pour la FAQ, oui. On pourra toujours tenter. De toute façon. On fera de la FAQ, hein, t'inquiète pas, Brugnard, ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des. Oui. Vas-y. Il va m'adorer, Mathias. Oh oh. Non ! Mathias ? Oui ? Quand est-ce que sort la bêta ? Je voudrais juste dire que je fantasme à cette question depuis bien longtemps déjà. Depuis le temps que j'écoute le premier podcast, ça me démangeait et je priais chaque jour le dieu qui existe pour venir sur avec vous pour poser cette question. Alors Mathias ? Alors, la bêta, tout simplement, elle sortira avant la publication du jeu. Suivant. Bravo, merci beaucoup pour cette exclusivité. Et vous pouvez jouer. Non mais vraiment merci parce que je crois non, mais bon, que c'est, beaucoup d'auditeurs attendent cette réponse. T'as compris, il n'y a pas de date. Non mais c'était vraiment pour taquiner. Ouais, je sais bien. Heureusement qu'on n'est pas tous réunis dans la même pièce parce que je pense que des fois les gens pourraient poser des questions sur nos conversations et nos questions. Vous m'attacheriez, je le sais. Non, mais même sans aller jusque là, mais. Oh, Mathias. Comme on discute en même temps sur Skype, on essaye de transmettre certaines informations pendant que les autres discutent et. C'est vrai que les questions peuvent paraître bizarres des fois, les réponses aussi. On essaiera de ne jamais divulguer aussi ce qui se dit en écrit là, sur Skype. Non. Ah, il vaut mieux pas. On pourrait démolir notre peu de réputation. Ah bah toi, je pense que... Enfin, c'est... Non, au contraire, tu construis une nouvelle réputation. Je peux y aller. Vous pouvez divulguer tous les dossiers. C'est parti. Fais un podcast dossier. Pardon ? Tu fais un podcast spécial dossier, comme t'as fait un podcast. Spécial dossier Hitman. Je suis Kantare. Ça passe pas. Complètement Kantare. Demain, tu vas avoir 50 personnes qui vont postuler dans ton escouade. Ils vont. Ceux qui ont un Kantare, ils savent pas. Mais alors, qui est Hitman, ça, ils vont te connaître. D'ailleurs, je crois que je vais changer de faction. Non, non, pas possible. Au cas où tu l'as oublié, tu es officier phénixien. D'ailleurs, juste un rapide remerciement à ceux qui sont toujours en train de nous écouter, parce que ça fait quand même plus d'une heure, donc chapeau les gars, vous m'impressionnez. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est le plus. C'est vrai que vous êtes impressionnant à tenir jusque là. Et c'est pas imbécile. Faites gaffe, vos batteries vont bientôt lâcher. Hein. Non, je suis vraiment content de faire ces podcasts. Je leur ai dit, j'étais vraiment très excité à l'idée d'y revenir, ça faisait longtemps. Bah, D'ailleurs, il se passe pas une heure sans qu'ils me disent « Oh là là, vivement le prochain podcast !» Ah ouais, j'ai pas arrêté de t'étonner avec ça, franchement, je suis désolé, Damien. Mais Si, j'avais une réflexion à faire. Ah, réflexion ? Ouais. Sur Mathias, c'est ça ? Sur Codemaster. Ah, sur Codemaster. C'est pas une critique, hein, c'est une réflexion, une remarque. Ah, vas-y, vas-y. Alors, Codemaster, c'est l'éditeur de jeux vidéo pour Jumpgate Evolution, donc créé par Ned Devine. Pas du tout. Pas du tout. C'est C'est la succursale d'une boulangerie. ouais, donc c'est l'éditeur, enfin ouais, c'est l'exploitant de Jumpgate Evolution, parce que quand c'est un MMO, on parle d'exploitant. Moi, ça devient compliqué. c'est lui qui distribue le jeu en Europe et qui fait tourner les serveurs, qui s'occupe des comptes des joueurs en Europe. Et d'accord. Ned Devil, c'est le développeur, donc exact. Celui qui programme, qui est à fond sur la technique. Et Gazillion, c'est la maison mère de Ned Devil, donc ils ont racheté Ned Devil. C'est les thunes, quoi. Ah, une petite question. On va peut-être pas généraliser non, en fait, comme ça, mais il y a un aspect financier, bien entendu. Donc ma question qui arrive derrière, Codemaster, qui doit faire la pub de Jumpgate, ouais. N'a rien à faire en ce moment, finalement. Est-ce qu'ils n'osent pas trop se plaindre parce qu'ils pourraient se faire retirer... En fait, c'est ça la question, c'est est-ce qu'ils pourraient se faire retirer GGE s'ils en demandaient trop à Ned Devil pour nous communiquer, pour nous satisfaire. Ah bah non, il y a un contrat qui était signé, c'est pas aussi simple. Enfin, c'est pas parce que retirer tu demandes... Retirer GGE, non mais tu veux qu'on se batte non, mais attends, regarde, mais t'imagines... Mais ça y est, je vais faire une syncope, là. non, mais... Autant le savoir, enfin, je veux dire, on pourrait avoir l'impression que Codemaster n'ose pas demander à Ned Devil par peur de se faire retirer le contrat. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on y va, hein. on demande les informations, on sait qu'il y a de l'attente et tout ça. C'est juste qu'ils nous répondent, le jeu est pas encore suffisamment prêt pour qu'on donne des informations concrètes. C'est juste pour ça, hein. C'est pas parce qu'ils veulent pas ou parce qu'on veut pas poser les questions, non, c'est pas pour ça. Vous êtes pas frustré, vous, chez Codemaster, de ça ? De ne pas avoir le droit de communiquer. Bah c'est comme un bon gâteau aux cerises. Tu le vois cuire dans le four, tu apprécies l'odeur qui commence à monter et tu le dévores quand il est sorti. C'est un peu la même chose avec Jumpgate. Je pense que la plus frustrée, ça doit être Cathy quand même. Pardon. développe. Tu l'as fait pas comprendre. Tu veux argumenter ? Bah oui, parce qu'elle est pas avec son brouillard. Oui, exactement. Le pauvre. On lui tombe ouais, c'est pas le nom d'un gâteau, ça ? Ah, je vais manger un brouillard. Une dernière petite question sérieuse. Dans quelle proportion la future bêta et release de LEGO Universe peut-elle influer sur le développement ? Et je parle bien donc de développement. De Jumpgate Evolution. Dans aucune proportion, parce que ce sont deux équipes de développement totalement différentes et scindées, et en plus c'est des exploitants différents. C'est d'accord. LEGO Universe qui gère le projet entièrement, enfin c'est pardon, la marque LEGO qui gère le projet LEGO Universe entièrement. C'est eux qui ont commandé le jeu à Ned Devil, et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a deux équipes complètement différentes. Voilà donc une bonne nouvelle qui fera taire pas mal de rumeurs du côté anglophone comme francophone. Ouais, il n'y a pas d'interférence entre les deux jeux, hein. C'est deux projets complètement séparés. Parce que dernièrement, on pouvait lire sur les forums anglophones, ouais, avec LEGO, enfin je simplifie, hein. Mais en gros, qu'avec le jeu LEGO qui arrivait, qui était semble-t-il, hein, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont fait un très très joli trailer au passage, ouais. Donc avec LEGO qui arrivait, du coup, c'était à cause de ça que Jumpgate était reporté, qu'il n'était toujours pas en bêta, etc., etc. Donc c'est bien de t'entendre le coup et cette rumeur un peu bidon. Ça a été dit sur les forums francophones aussi. Oui, mais c'est normal, en même temps, quand on regarde Netherville, on voit qu'il y a plusieurs jeux, dont Lego Universe, qui est en train de, d'avoir une grosse communication. C'est... On peut se demander si ça pourrait venir de là, et je peux confirmer que ça vient pas de là. D'ailleurs, je crois que Phoenix Fuse comme... va finir sur Lego Universe, si ça continue comme ça. Bon, on verra si c'est un bon jeu. C'est comme de dire que Star Wars à sortir risque de bouffer JGE s'il sort avant. C'est n'importe quoi. Et Star Trek, c'est de la merde. Ouais, au exactement. Passage. Exactement. Au passage, hein. Histoire de défendre un petit peu Jump Gate quand même. Après, moi je veux pas commenter sur la concurrence, on parle déjà depuis des heures sur Mortal Online et ainsi de suite. À chaque fois j'essaie de rattraper le débat, je dis ah, mais non. Non, je ne commenterai pas sur ça. C'est des jeux. Pour dire de faire attention, effectivement, on voit beaucoup de choses sur forme officielle, beaucoup de paroles qui sont pas forcément. Alors attention, hein, je n'agresse personne dans mes propos, mais des fois pas forcément réfléchis ou justifiés. Voilà. Mathias, écoute bien, c'est pour toi. Non. D'ailleurs, à l'occasion, je sais pas s'il va nous écouter, je voudrais faire je voudrais faire un petit coucou à Grandier, qui fait beaucoup d'efforts d'orthographe et de français. Un petit coucou à lui. Un petit coucou aussi à Nash, parce que Nash, il nous écoute à chaque fois. Et puis, je crois qu'il a envie de participer, mais je vais attendre son MP. Ah, c'est la partie des crédits, là, non, Bruy? Pardon, quoi? La partie des crédits et des remerciements. Pas encore, enfin oui, mais je l'ai plus ou moins entamé, donc maintenant je vais continuer en fait. Quelle liaison! Oh là là! Transition magnifique! Vraiment, ouais. J'ai pas arrêté ce soir, il y a que la première qui a foiré, mais après je me suis senti dans mon élément. donc dans les remerciements, bon bah puisqu'on y est, de toute façon on est dans le vif du sujet. Un grand merci, mais alors là, le plus grand merci que je puisse faire, c'est à Néo. Parce que j'arrête pas de l'embêter pour Skynet. Tous les jours, je suis là en train de dire ouais, est-ce que tu peux me faire ça? Tu peux me faire ça? Il le fait bien. Donc, Néo, merci pour le développement de Skynet. Et puis, maintenant, merci à vous quatre d'être venus ce soir pour discuter du podcast. Ce sera toujours un plaisir. Ça vous aura plu. Vous écouterez ça quand ça sera diffusé et que vous aurez envie de revenir si c'est possible. Avec plaisir. Si c'est possible, pas de soucis. Bah toi Mathias, je te pose même plus la question, quoi. Je te dis, le podcast il t'a cette date là. Tu vois, du yes ce soir, voilà, rien à dire. Exactement. Non mais moi aussi ça me fait plaisir de venir, donc bon. Très bien. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, vous êtes plus d'une centaine à le faire chaque mois maintenant. Et vous êtes très courageux, on insiste là-dessus. Ouais. N'hésitez pas, on vous le rappelle, à poster vos critiques et vos remarques sur le forum, sur le topic concerné. Ouais, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Welcome to the future.